Leçon 3, page 58. Activités 2 et 3, piste 46. Oh, la salle de classe est grande. C'est vrai. Elle est grande. Regarde les tables. Elles sont très bien, tu vois? Oui, oui. Mais le tableau, il est trop grand pour les enfants. Oui, c'est trop grand pour Hugo.